radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, l'ambassadeur Cambon et l'imprévisible Kaiser Guillaume II. En 1914, alors que la guerre vient d'enflammer l'Europe, le comte von Bülow est effaré. « Comment en est-on arrivé là ?» soupire-t-il. « Si je le savais », lui répond le chancelier Bethmann Hollweg en haussant les épaules. Rétrospectivement, c'est facile, vous me direz, quand on sait les millions de morts qu'a causé la Première Guerre mondiale, comment ne pas en vouloir aux hommes politiques, aux diplomates, aux militaires qui étaient aux manettes en Europe avant 1914 et qui n'ont rien fait pour empêcher le premier cataclysme du XXe siècle. Le plus emblématique de cette génération, peut-être le plus ridicule aussi, est sans nul doute Guillaume II. L'empereur d'Allemagne. Avec ses moustaches à pointe, ce monarque de droit divin est intelligent et cultivé, mais aussi vaniteux et imprévisible. Surnommé la fourrure, à cause de ses tenues clinquantes, le Kaiser qui commande la première armée du monde est capable des pires gaffes. Face à lui en 1907, Jules Cambon, l'ambassadeur de France à Berlin, saura-t-il manœuvrer pour éviter la guerre ? France Inter. Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Johann Chapoutot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne et de la modernité occidentale. Alors c'est étonnant comme le personnage de Guillaume II a traversé l'histoire. Les Français connaissent mal l'histoire de l'Allemagne, connaissent mal l'Allemagne, mais ils ont en tête des images de cet empereur qui a fait la guerre donc contre la France en 14 avant d'être contraint d'abdiquer en 1918. Peut-être parce que Guillaume II a beaucoup été caricaturé, non, de ce côté-ci du Rhin. Oui, on le connaît par des caricatures, tout simplement parce que c'est un personnage qui s'est infiltré dans l'histoire de France et dans le quotidien des Français à partir d'août 1914, comme souverain de l'ennemi principal, mais c'est assez stéréotypé puisque on avait caricaturé Bismarck de la même manière, casqué, botté, sous la forme d'une espèce de divinité militaire. Bismarck avait fait la guerre contre la France en 1870-71. Et ces deux personnages incarnent, de manière assez injuste pour Bismarck, mais plus justifiée pour Guillaume II, une forme de prussianisme militariste, caporaliste, assez idiot. Assez idiot, carrément, vous dites. Oui, alors, on pourra revenir sur Guillaume II et ses limitations personnelles. Mais de fait, ce qui définit la politique de l'Allemagne à partir de sa prise de pouvoir, enfin son arrivée sur le trône en 1888, c'est une obsession monomaniaque de la puissance. Une obsession darwinienne, très propre à ce temps-là, d'une Allemagne qui doit s'imposer comme puissance continentale et comme puissance mondiale. Pourquoi darwinienne ? Darwinienne parce que, tout simplement, Darwin a publié ses thèses sur l'évolution des espèces animales en 1859. Et à partir de là, eh bien, une nouvelle lecture de la société, qu'on appelle le social-darwinisme, s'est diffusée dans les élites européennes, alors britanniques et françaises, puis allemandes. Et Guillaume II est tout à fait représentatif de ces Européens qui ont trouvé dans Darwin la justification, ou bon, ce qu'ils pensaient être Darwin, la justification de leur puissance, c'est-à-dire qu'ils étaient au sommet de la nature, au sommet de la création naturelle, en tant qu'hommes blancs à la tête d'un édifice capitaliste et colonial. Alors l'histoire que je vais raconter commence en 1907, bon, c'est une comédie avec sa part d'humour et d'exagération bien sûr, il faut dire quand même que le Kaiser, on n'a pas beaucoup besoin de forcer le trait, il a un côté un peu caricatural. Il y a eu beaucoup de comparaisons entre ces dernières années en Allemagne entre Trump et Guillaume II. Il apparaît véritablement comme le Trump de l'époque, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a des idées courtes, qui est assez inculte et qui essaie de compenser des complexes personnels à la fois physiques et psychologiques assez béants par des rodomontades, un affichage d'une puissance virile assez infantile et idiote, par le fait également de multiplier les costumes. Il changeait parfois jusqu'à 4 fois d'uniforme dans la journée pour parader, se pavaner dans des uniformes de colonel de la garde ou de général des les hussards de la mort, etc., pour essayer tout simplement d'afficher, de projeter une image de puissance qui lui faisait défaut intimement. Alors l'Allemagne à ce moment-là et l'Europe, c'est quoi? Donc l'état des forces en présence en 1907 environ, donc quelques années avant la Première Guerre mondiale. C'est une Europe qui a disparu depuis, hein. C'est une Europe qui a disparu précisément pendant la Première Guerre mondiale. C'est une Europe d'empires coloniaux, hein. Les deux grandes puissances démocratiques européennes que sont la France et la Grande-Bretagne sont des empires coloniaux. Et puis d'empires continentaux comme l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. De tous ces pays et de tous ces édifice, l'Allemagne est le plus récent, hein, puisque c'est un pays d'unification très tardive et incomplète d'ailleurs, ça date de 1871. Oui, c'est très récent. Ouais. C'est très récent et l'Allemagne est une puissance en pleine expansion à ce moment-là, qui connaît un décollage à la fois économique, démographique, qui est de l'ordre de l'explosion, si vous voulez. C'est très surprenant, on en a mal identifié les facteurs encore aujourd'hui, mais disons que c'est un pays qui est majoritairement rural et agricole et qui en une dizaine d'années devient majoritairement industriel et urbain. C'est un pays qui passe de 40 millions d'habitants en 1871 à 67 millions en 1914. C'est un pays qui explose sous toutes les coutures, si vous voulez, et qui, au fond, trouve son incarnation dans un souverain assez baroque, hableur, volontiers viriliste, qui fait le malin à longueur de temps, qui n'a que le mot de puissance et d'empire mondial à la bouche. Qui rêve de colonie. Qui rêve de colonie et qui rêve également de prépondérance, hein, d'hégémonie au niveau européen, en cultivant pour cela l'outil militaire qui a été si efficace tout au long du 19e siècle, parce qu'il faut rappeler que tout au long du 19e siècle, depuis 1813 en gros, l'armée prussienne puis prusso-allemande n'a perdu aucune guerre. Elle les a toutes gagnées, elle en a fait beaucoup. Et c'est en se fondant sur cette expérience récente de victoire sans fin que Guillaume II veut projeter l'Allemagne dans un statut politique et diplomatique qui corresponde à son nouveau statut économique de première puissance économique du continent et son statut également démographique, puisque la France, par comparaison, reste à 40 millions d'habitants. Hein. La France est statique du point de vue démographique, l'Allemagne explose. L'histoire que je vais raconter maintenant commence en 1907, dans ce contexte explosif, quand Jules Cambon donc arrive à Berlin. Johann Chapoutot, on continue cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'ambassadeur Cambon et l'imprévisible Kaiser Guillaume II, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Cédric Ossire. Ce bâtiment est magnifique. Il date du 18e ? Oui, monsieur l'ambassadeur. Et les peintures sont des originaux. Voyez le portrait du cardinal de Richelieu qui domine la salle de réception. Imposant, en effet. Mais, mon cher de Berkem, j'ai l'impression que la peinture des murs date aussi du 18e. Si on veut recevoir nos hôtes berlinois à l'ambassade, il va falloir faire quelque chose. Oui, bien sûr. Nous allons prévoir un rafraîchissement, monsieur l'ambassadeur. Tout ça, idéalement, avant l'arrivée de ma femme. Dans deux semaines. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je ne connais pas de métier plus varié que celui de diplomate. On passe de décorateur d'intérieur le matin à négociateur de traité l'après-midi. Un bon ambassadeur doit savoir s'adapter, comprendre et maîtriser ses passions. Tout ça pour accomplir son unique mission, servir son pays sans soulever l'hostilité autour de soi. Ou, dans le cas de l'Allemagne, faire en sorte que le niveau d'hostilité reste raisonnable. En ce début avril 1907, Jules Cambon prend possession de l'ambassade de France à Berlin. Âgé de 62 ans, barbichette blanche et tout en rondeur bonhomme, le nouvel ambassadeur est chargé d'une mission délicate: éviter la guerre entre la France et l'Allemagne. Depuis la perte de l'Alsace-Lorraine, la rivalité entre les deux pays s'est transposée sur le terrain colonial. Le Maroc, l'un des derniers pays africains encore souverains, est l'objet de leur convoitise. Et lorsqu'en 1905, la France y a envoyé un contingent militaire, l'Allemagne a menacé d'intervenir. Pour éviter l'affrontement, une médiation internationale a débouché sur la conférence d'Algésiras, où la France s'est engagée à respecter l'indépendance du Maroc. La tension est retombée, mais en 1906, l'élection à la présidence du Conseil d'un politicien notoirement anti-allemand, Georges Clemenceau, a ravivé les inquiétudes outre-Rhin. En signe d'apaisement, celui qu'on appelle le Tigre a nommé Jules Cambon ambassadeur à Berlin. Sa réputation d'excellent diplomate le précède. Et si Cambon ignore encore tout de la culture allemande, il compte bien combler ses lacunes grâce aux conseillers de l'ambassade, tels que le baron de Berkheim, un Alsacien germanophone. Berkheim, je compte sur vous pour m'introduire auprès de la bonne société berlinoise. Je vais vous présenter à la princesse Radziwill. Elle tient un salon très couru à Berlin. Elle sera votre meilleur allié. Française née à Paris, Marie de Castellane est la veuve du prince Frédéric Guillaume Antoine Radziwill, membre de la Chambre des seigneurs de Prusse. Cette femme de lettres tient un salon où se presse tout le Gotha berlinois. Bien qu'ayant vécu toute sa vie en Allemagne, elle n'a jamais renié sa culture française et reçoit volontiers les Français expatriés. Elle a connu tous les changements politiques en Allemagne, notamment l'avènement de l'Empire en 1871. Depuis, l'Allemagne est constituée de la Prusse et de plusieurs royaumes et grands-duchés organisés en fédération. Le Kaiser en est le monarque de droit divin, chef du pouvoir exécutif, en charge de l'armée et des affaires étrangères. Mais il est soumis au contrôle du Parlement et de son chancelier, qu'il a lui-même désigné. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez rencontré le chancelier ? Oui, madame. Je connais le chancelier von Bülow depuis notre jeune temps, alors qu'il n'était que simple conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Paris. C'est un diplomate dans l'âme, polyglotte, cultivé. Nous parlons le même langage. Ne vous fiez pas à lui. Non, mais comme je le disais, c'est un diplomate. Je connais les limites de sa courtoisie. Mais il m'assure de son désir d'éviter tout conflit avec la France. C'est vrai qu'il sera plus facile à manœuvrer que la fourrure et son fichu caractère. La fourrure ? C'est le surnom du Kaiser. Ce n'est pas de moi. Ses propres ministres l'appellent comme ça. Vous savez, il aime l'apparat, se chamarrer avec des médailles, des plumes et des fourrures. C'est vrai que sur les photos, il ne fait pas dans la discrétion. C'est une manière de se rassurer. Le Kaiser est un homme tourmenté. À quel égard ? J'ai bien connu sa grand-mère, l'impératrice Augusta. Ah. En réalité, je connais Guillaume depuis qu'il est né. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu une enfance facile. Ah, vous voulez parler de son bras ? Première règle, ne jamais mentionner son infirmité devant lui. Ah. C'est un de ces formidables docteurs anglais qui a réussi à lui briser le bras en le sortant du ventre de sa mère. Le petit a survécu, mais son bras est resté atrophié. Pour toute la famille, ces vaillants guerriers prussiens. Vous imaginez la honte de mettre sur le trône un handicapé. Sa famille le traitait comme un cruple, un estropié. J'en prends note. Et depuis, le petit Guillaume fait tout ce qu'il peut pour se montrer à la hauteur des valeurs prussiennes. Il veut se montrer fort et enchaîne les colères. Mais je sais que derrière cette façade, il y a encore ce petit garçon sensible que je faisais sauter sur mes genoux en lui chantant des comptines françaises. Je ne mentionnerai pas ces moments douloureux. Je veux parler de son handicap, évidemment. Monsieur Cambon, vous avez de l'esprit, mais n'en faites pas trop usage en présence de Sa Majesté. Et ne lui parlez surtout pas de son bras. L'été approche et la saison diplomatique tire à sa fin. L'aristocratie berlinoise prend ses quartiers d'été sur la Baltique et va déserter la capitale pendant 3 mois. Je vais en profiter pour retourner à Paris. Mais avant, le Kaiser me fait enfin l'honneur de me recevoir au palais pour y être introduit officiellement. Monsieur Cambon, quelle joie de vous rencontrer enfin. Votre Majesté, je vous présente mes respects. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis en train d'expérimenter une nouvelle machine. Vous voyez, c'est assez contraignant. Non, je n'avais pas remarqué. Si, regardez, ça me remonte sur le dos et ça me maintient le bras. Ah oui, maintenant que vous me le dites... Cette machine est très moderne, c'est électrique. C'est pour mes problèmes de dos. Vous savez, ce maudit bras pèse sur ma colonne. Oui, j'imagine que ça doit être très difficile au quotidien. Mais douleur ou pas, le Kaiser reste le Kaiser. Oui, bien sûr. Nous nous connaissons à peine et je vous confie déjà mes secrets. Vous savez, Monsieur Cambon, j'appréciais beaucoup votre prédécesseur, Monsieur Biour. Je m'amusais à venir le réveiller à l'ambassade. Le réveiller? Mais comment? Je m'introduisais incognito dans l'ambassade et je me faisais annoncer par surprise. Qu'est-ce que nous avons pu rire? Avec Georges Biour? Mais ça, c'était avant. Avant votre trahison à propos du Maroc. L'épisode est regrettable et je suis là pour vous témoigner de l'engagement de la France à respecter l'accord qui a été signé. Parce que la France a déjà beaucoup de colonies. L'Allemagne a presque rien. Mais nous avons la plus grosse population d'Europe. Nous avons besoin de matières premières et de territoires pour notre commerce. Mais naturellement. La France menace constamment notre développement. Qu'est-ce que c'est que cette entente cordiale que vous avez signée? Les Anglais ne servent que leurs intérêts. Une alliance avec eux ne vous sert à rien. Moi-même, je ne leur fais pas confiance, alors que le roi Édouard VII est mon propre oncle. Un débauché, une outre-avin, qui n'a fait ce rapprochement avec vous que pour profiter le plus facilement des prostituées parisiennes. Majesté... Je n'ai rien contre vos prostituées. Mais la France doit casser cette alliance. C'est une menace pour l'Allemagne. Mais votre majesté, je vous rappelle que c'est vous qui, en premier, avez signé une triple alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés des Anglais. Les relations entre nos deux peuples reposent sur tant de malentendus. Nous avons tellement à construire, monsieur Cambon. Soyez convaincu que je suis là pour ça. Alors signons une alliance. Pardon ? Je suis sérieux. Si nous voulons rapprocher nos deux pays, il faut signer une alliance, une véritable alliance. D'accord. Je vais contacter le Quai d'Orsay. Je veux d'abord que cela passe par nous, monsieur Cambon. Je sens que nous allons réaliser de grandes choses ensemble. Une alliance avec l'Allemagne. Au Quai d'Orsay, ils vont penser que j'ai perdu l'esprit. Pourtant, le Kaiser a bien prononcé ce mot, alliance, devant le représentant officiel de la France. Je me dois de relayer cette offre inattendue, mais pleine de promesses. L'enthousiasme de la rencontre retombe progressivement, car le Kaiser ne donne pas suite à ses promesses. Pire, fin 1907, une affaire de mœurs vient rafraîchir les relations avec la France. Plusieurs conseillers du Kaiser sont accusés d'homosexualité et de conduite immorale. Dans la presse, à côté des noms d'aristocrates proches du Kaiser, comme Philippe von Eulenburg, figure celui de Raymond Lecomte, un conseiller de l'ambassade de France. Cette histoire est très regrettable. La presse allemande s'en donne à cœur joie sur la perversité des Français. Ce qui n'était qu'un scandale national vient entacher nos relations avec l'Allemagne. Quant au Kaiser, il est terriblement vexé d'être le dernier à apprendre l'homosexualité de ses conseillers. Il n'aime pas être prié pour un idiot. Mais plus je le connais, plus je me dis que c'est beaucoup demandé. Le Kaiser ne fait en effet pas preuve d'un grand sens politique. Il multiplie les déclarations malencontreuses et déclenche de vives polémiques. En mai 1908, lors d'une revue militaire, il déclare à propos des pays voisins de l'Allemagne « On veut nous encercler, mais le Germain ne se défend jamais mieux que lorsqu'il est cerné de toutes parts. Qu'ils y viennent, nous les attendons, nous sommes prêts !» En août, il se rend à Metz, qui est annexé au Reich depuis la guerre de 1870, pour superviser les travaux d'agrandissement de la ville. Devant la population lorraine francophone, il déclare « Jusqu'à présent, Metz était trop petite pour me recevoir. Mais aujourd'hui, je suis ici, devant ces grands et beaux bâtiments à l'architecture germanique. Nous allons faire grossir votre ville pour qu'elle devienne aussi grosse et belle qu'une bonne femme allemande. » Il se dit prêt à en découdre avec la France. Il humilie les Lorrains à Metz. C'est à croire qu'il le fait exprès. Je vous avais prévenu, la diplomatie n'est pas son fort. Pardonnez-moi, mais il ne me rend pas la tâche facile. La presse française se déchaîne à chacune de ses sorties. Et le pire, c'est que je continue de penser qu'il est juste très maladroit. Le Kaiser est un enfant, il faut le traiter comme tel. Quand il est devant ses soldats, il ne peut s'empêcher de fanfaronner. C'est très regrettable qu'une telle personne soit à la tête de l'armée la plus puissante d'Europe. Les déclarations intempestives du Kaiser créent aussi des remous en Allemagne. Sur la sellette, le Kaiser choisit sans état d'âme de se défausser sur son chancelier qui est censé relire et se porter garant des déclarations publiques du monarque. Le Kaiser utilise ce prétexte pour révoquer le chancelier von Bülow et lui faire porter la responsabilité de ses errements. Il le remplace par un haut fonctionnaire, Bethmann Hollweg, qui prend ses fonctions en juillet 1909. Hollweg est un homme charmant. Il parle un français excellent. Sa mère est française. Certes, mais il n'a pas beaucoup voyagé et ne connaît rien à l'âme française. Vous regrettez von Bülow? C'était un partenaire coriace, mais avec qui on pouvait discuter. Je suis certain qu'Hollweg est un très bon gestionnaire, mais je suis sceptique quant à ses capacités à résoudre les crises internationales. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut garder de bonnes relations avec le Kaiser lui-même. Entrez, de Berkem. Monsieur l'ambassadeur, télégramme urgent. Il est chiffré, information confidentielle. Le sultan du Maroc, Moulay Hafid, demande le soutien de l'armée française en échange d'une collaboration rapprochée. Le sultan nous propose un protectorat. Oui, il n'a pas le choix. Il n'arrive pas à mater les rebelles. Et évidemment, on va dire oui. Obtenir le protectorat du Maroc sur un plateau, c'est difficile de refuser. Oui, mais vis-à-vis des Allemands, ça nous met dans une position délicate. Espérons que le gouvernement manœuvre finement. Mon pauvre de Berkem, vous avez encore des illusions sur les hommes qui nous gouvernent. En novembre 1910, un accord secret est passé entre le gouvernement d'Aristide Briand et le sultan du Maroc. Jules Cambon, lui, peine à obtenir des instructions claires sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Allemagne. En janvier 1911, comme chaque année, le Kaiser reçoit la cour et les diplomates pour ses vœux du nouvel an. Au programme, présentation devant Guillaume II, assis sur son trône en habit d'apparat, dîner, puis danse de menuet dans la grande salle de réception du palais. Le Kaiser a la tête des mauvais jours. Il m'a fait savoir qu'il voulait me voir dans la soirée. J'espère que l'accord avec le Maroc n'a pas fuité. J'ai fait savoir à Paris qu'il faudrait faire des concessions aux Allemands. Mais pour l'instant, mes demandes sont restées lettres mortes. On dirait que le Kaiser et l'impératrice se sont disputés. Ça tombe mal. Je dois voir le Kaiser. Méfiez-vous de l'impératrice. Augusta Victoria est une bigote qui obéit au principe des 3K. Kirche, l'église. Kinder, les enfants. Küche, la cuisine. Et elle déteste les Français. Que ferais-je sans vos conseils, madame ? Ça va être à moi. Souhaitez-moi bonne chance. Je dirais plutôt bon courage. Majesté. Monsieur Cambon, vous trouvez que je porte trop de décorations ? Pardon ? L'impératrice me reproche toutes ces décorations qui font du bruit quand je me déplace. Ah, non, je n'ai pas remarqué. Vous me rassurez, je ne peux pas sortir sans mes décorations. Aigle noir. Couronne de Prusse, couronne de Saxe, couronne de Wittenberg et mes grades d'officier de corps d'armée. Tiens, celui-là, je ne sais plus à quoi il correspond. Faudra que je redemande à mon aide de camp. Cambon, je voulais vous voir. Oui, Majesté. Je voulais vous dire, je suis désolé pour les problèmes que mes déclarations ont causés dans les journaux français ces derniers mois. Ah, ça... Ne vous inquiétez pas, nous allons repartir du bon pied. Exactement, Cambon. Il y a de la franchise entre nous et j'apprécie cela. Vous n'êtes pas dans l'intrigue comme tant de diplomates. Merci, Majesté. Pour repartir du bon pied, comme vous dites, que diriez-vous de m'organiser une visite officielle à Paris ? Ah, oui, je vais transmettre. Je pense qu'on peut, en préparant l'opinion publique... Ça risque de prendre un peu de temps. Je crois que c'est le bon moment. Faites au mieux. La frais lancée. Je suis ravi que nous puissions maintenir la confiance entre nous. Il faut absolument que je parle au président du Conseil. Il faut annoncer l'accord marocain aux Allemands. Si nous attendons trop, ils risquent de l'apprendre par un tiers. Et là, Dieu sait comment ils réagiront. Quelques jours plus tard, le 27 février 1911, à Paris, le cabinet d'Aristide Briand est mis en minorité à l'Assemblée. Il est remplacé par un gouvernement de politiciens inexpérimentés qui engage imprudemment l'armée au Maroc. Le mois suivant, l'occupation française de Rabat, Fès et Meknès provoque la colère des Allemands qui envoient une canonnière, la Panther, dans la rade d'Agadir afin de protéger leurs intérêts dans le pays. La France et l'Allemagne sont au bord de l'affrontement. Cambon, vous savez que je vous fais une très grande faveur en vous recevant ici. Je prends même un risque politique. J'en ai bien conscience, Votre Majesté. Nous savons que c'est un protectorat que vous organisez au Maroc. Je peux vous assurer que le sultan garde son pouvoir... Cambon, ne me prenez pas pour un idiot. Ne niez pas. Pourquoi avoir fait cela ? Nous sommes prêts à mobiliser et nous irons jusqu'au bout. Vous, les Français, êtes des idiots. Vous ne comprenez rien à l'Allemagne. Le peuple allemand veut la guerre. Nous avons des élections dans quelques semaines. Nous ne pouvons pas nous montrer faibles. Nous ne pourrons pas éviter la guerre si vous ne bougez pas. Vous comprenez ? Oui, Votre Majesté. Alors parlez à votre gouvernement. Je ne les connais même pas, ces nouveaux. Et ramenez-nous quelque chose, Monsieur Cambon. L'Allemagne ne peut continuer à se faire spolier en Afrique comme cela par la France et l'Angleterre. Nous sommes une grande nation qui mérite le respect. Bien entendu. Comptez sur moi. Je vais en parler avec M. Mauny, le nouveau président du Conseil. Mais alors que la crise marocaine atteint son paroxysme, Ernest Mauny, le chef du gouvernement, est grièvement blessé le 21 mai 1911 lors d'un départ de course d'avion. La situation serait risible si elle n'était si atroce. Nous allons avoir la guerre ? Alors franchement, je n'en sais rien. Caillot, le nouveau président du Conseil, déteste son ministre des Affaires étrangères, De Selve. Et je n'ai aucune instruction claire. Joseph Caillot est un homme capable, meilleur que De Selve. Pour l'instant, Caillot tient tête à la presse qui réclame la guerre quotidiennement. Tout comme les journaux allemands. Et chacun est persuadé que l'autre est mal préparé et que la victoire sera rapide. Les inconscients. Ils ne se rendent pas compte du cataclysme qu'une guerre provoquerait. Dans notre malheur, cette crise resserre nos liens avec les Britanniques. Mon frère, ambassadeur à Londres, m'a confirmé qu'ils allaient nous soutenir dans cette affaire marocaine. Ils ont très peur de la montée en puissance de la marine allemande. J'espère que leur soutien dissuadera les Allemands de déclarer la guerre. Espérons. Pendant l'été 1911, Joseph Caillot, le chef du gouvernement, prend la décision d'écarter son ministre des Affaires étrangères pour négocier lui-même avec les Allemands par l'intermédiaire de Jules Cambon. Caillot propose des concessions et charge son ambassadeur de les annoncer aux Allemands. Je vous apporte la parole du président du Conseil lui-même, Monsieur Caillot. Vous, les Français, votre république d'opérette, comment construire une relation durable avec des gouvernements qui virevoltent tous les 3 mois ? Mais, Votre Majesté, je suis toujours là, moi. C'est vrai, Monsieur Cambon. Les gouvernements passent et vous, vous restez. Que diriez-vous si je vous disais qu'en termes de compensation pour notre présence au Maroc, la France vous propose une partie du Congo ? Je dirais qu'il faut continuer cette conversation avec mon ministre des Affaires étrangères. Un accord est trouvé le 11 octobre 1911. La guerre est évitée. Les Français cèdent 272 000 km² de territoire d'Afrique équatoriale au Gabon, au Moyen Congo et en Ubangui-Chari, au profit du Cameroun allemand, en échange de leur retrait du Maroc. Mais en France, le ministre des Affaires étrangères dénonce la négociation secrète et les importantes concessions faites aux Allemands. En janvier 1912, Jules Cambon est rappelé à Paris pour témoigner devant une commission d'enquête. Le 11, Caillot démissionne et Raymond Poincaré le remplace à la tête du Conseil. Pendant ce temps en Allemagne, les élections sont remportées par les socialistes, opposés à la monarchie, qui, sans avoir la majorité absolue, gagnent plus d'un tiers des sièges au Bundestag. Le 19 mars 1912, dans un signe d'apaisement, le Kaiser accepte l'invitation de Cambon pour une réception à l'ambassade. Le chef m'en veut vous dire que les petits fours seront prêts dans une demi-heure. Tout doit être parfait pour le Kaiser. Il est souvent en avance. Surprise ! Vous êtes surpris de me voir, monsieur Cambon. Majesté, oui, c'est une surprise. Enfin, nous vous attendions tout de même. Je me permets d'arriver en avance parce que je vous aime bien. Mais je regrette que mon affection vous cause tant de problèmes. J'ai lu que vous étiez accusé de trahison. Les Français sont ingrats. J'ai été blanchi. Nous pouvons de nouveau penser à l'avenir commun de nos deux pays. D'ailleurs, si les conditions ne sont pas encore réunies pour que vous vous rendiez à Paris, en revanche, nous pourrions envisager une visite informelle du Crown Prince à l'école militaire de Saumur. J'ai entendu dire que votre fils aimait beaucoup les chevaux. Le Crown Prince ne mérite pas tant d'égards. Il risquerait de commettre des impairs. Mon fils est une éternelle déception. Et de toute façon, je ne pense pas qu'une visite en France soit une bonne idée en ce moment. Bien, nous trouverons d'autres occasions. Mais je profite de votre présence pour vous soumettre un sujet de préoccupation de mon gouvernement. Faites ! La France est inquiète de la situation dans les Balkans depuis que votre allié autrichien a annexé la Bosnie. Nous pensons que l'Autriche-Hongrie lorgne maintenant vers la Serbie. François-Joseph n'a toujours pas digéré d'avoir perdu le contrôle de l'Allemagne. Il cherche à redonner de la grandeur à son empire. Si les Austro-Hongrois attaquaient la Serbie, la Russie viendrait au secours de son petit frère slave. Probablement. François-Joseph ne se rend pas compte des enjeux du monde moderne, il a dépassé 80 ans. Imaginez, il refuse le téléphone et n'a même pas de voiture. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes alliés des Russes. Nous serions obligés d'intervenir. Et vous, vous êtes alliés des Autrichiens. Ah, oui, je vois. Nous serions, nous aussi, entraînés dans une guerre qui ne nous concerne pas. Vous avez raison. Je dois me rendre à Vienne dans quelques semaines. Je vais parler à François-Joseph. La France comprend très bien votre attachement culturel à l'Autriche-Hongrie. Mais même si vous ramenez François-Joseph à la raison, il n'est pas éternel. Comment ça ? D'ici peu, son neveu, François-Ferdinand, va monter sur le trône. Sera-t-il capable de maintenir la cohésion de l'Empire, surtout dans les Balkans ? Sûrement pas, c'est un incapable doublé d'un prétentieux qui n'a aucun respect pour son peuple. Nous partageons votre analyse. Alors vous comprendrez notre inquiétude. Votre alliance avec eux se révélera un dangereux attelage quand il deviendra monarque. En cas de nouvelle crise dans les Balkans, François Ferdinand serait la pire personne pour éviter l'embrasement. Votre point de vue est intéressant. Que proposez-vous ? Il faudrait vous désengager de cette alliance. Et nous ferions de même de notre côté avec la Russie. Ainsi, nous éviterons tout risque de se retrouver entraînés dans une guerre. Encore faudrait-il que tout le monde tienne sincèrement à éviter la guerre. C'est le cas de la France. Je vais y réfléchir. Vos premiers invités arrivent. Princesse Radziwill. Je suis enchanté de vous revoir. Vous faites un grand honneur. Vous n'arriverez pas à défaire l'alliance entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et pourtant, à mon avis, c'est la seule chance d'éviter un conflit généralisé en Europe. Guillaume II est un panier percé. Quel est le rapport ? Il vient d'emprunter 30 millions de marks à François-Joseph. Et cela alors qu'il n'a toujours pas remboursé les 15 millions qu'il lui a empruntés lors de sa dernière visite. Et alors ? Le Kaiser ne prendra pas le risque de froisser son créancier. Mais vous vous rendez compte de la trivialité de ce que vous dites ? Mais c'est comme ça que fonctionnent les relations entre États. Tous les monarques européens sont liés par des liens de sang, le Kaiser est le cousin du roi d'Angleterre et du tsar. Ils font partie d'une caste à laquelle les républicains français n'appartiendront jamais. Et c'est une fierté. Les systèmes monarchiques mettent au pouvoir des rois incompétents et dangereux. Et le peuple en fait les frais. Vous êtes drôles, vous les républicains. Comme si des incapables élus par le peuple étaient moins dangereux que des incapables de droit divin. La princesse Radziwill voit juste. Non seulement le Kaiser ne remet pas en cause l'alliance allemande avec l'Empire austro-hongrois, mais il se met en retrait des affaires internationales pendant quelques mois. C'est en novembre 1913, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Belgique, que Jules Cambon découvre ce que trame le Kaiser. Que voulait l'ambassadeur de Belgique ? Vous allez chiffrer le télégramme que je vais vous dicter pour Paris. Entendu. L'ambassadeur de Belgique nous rapporte la dernière entrevue de son roi Albert Ier avec Guillaume II. Jusqu'à présent, le roi pensait comme nous que le Kaiser était notre meilleur allié pour le maintien de la paix en Europe. Mais le roi a revu son jugement. En effet, le Kaiser lui a déclaré en privé, ouvrez les guillemets, que la guerre avec la France est inévitable. Le Kaiser est convaincu de la supériorité de l'armée allemande et de son succès. La matérialisation du conflit n'est, d'après lui, qu'une question de temps. Mais ces déclarations sont terriblement imprudentes de la part du Kaiser. Il a dit ouvertement au roi Albert que l'invasion de la France passerait par la Belgique et qu'il valait mieux qu'il se rallie à lui. Il pensait qu'Albert serait influençable. Le roi Albert est jeune, mais pas du genre à se laisser impressionner. Et il vient tout nous rapporter. Maintenant, il faut prévenir Paris. En Allemagne, l'idéologie pan-germaniste, nationaliste et belliqueuse a définitivement gagné les esprits. Même le Kaiser, qui jusqu'à présent en craignait les conséquences. Le Parlement vote l'augmentation du budget de l'armée et le porte à plus de 2 milliards de marks. Mais alors que l'été approche et que le tout Berlin se prépare à partir en villégiature, un assassinat est commis à Sarajevo le 28 juin 1914. Un attentat qui va marquer l'histoire du monde. Cela fait maintenant un mois que l'archiduc François Ferdinand a été assassiné par un Serbe à Sarajevo. Au départ, nous avons pris cela avec légèreté, voire un certain soulagement cynique. L'héritier incontrôlable du trône d'Autriche était éliminé. C'était une bonne nouvelle. Mais les Austro-Hongrois accusent la Serbie d'avoir fomenté l'attentat. Ils lui ont lancé un ultimatum avec des exigences irrecevables. La Serbie va être obligée de déclarer la guerre à l'Autriche. Son allié russe a déjà commencé à mobiliser son armée. Si l'Allemagne ne ramène pas son allié autrichien à la raison, la France va entrer en guerre. Puis la Grande-Bretagne, l'engrenage que nous redoutions, est en train de s'enclencher. Il reste encore un peu de temps pour agir, mais tous les dirigeants sont partis en vacances. Peu d'entre eux ont pris la mesure de l'effet de domino que cet assassinat pourrait engendrer. Le 27 juillet 1914, le Kaiser, qui revient d'une longue croisière dans les fjords norvégiens, accorde une audience extraordinaire à Jules Cambon. Si vous n'intervenez pas auprès de l'Autriche-Hongrie, la Russie, la France et l'Angleterre vont entrer en guerre contre vous. Je ne le crois pas. Nous allons prendre nos responsabilités et aller jusqu'au bout cette fois-ci, aux côtés de notre allié autrichien. Mais votre armée n'aura pas la suprématie sur le front ouest face à la France et l'Angleterre. Face aux deux, peut-être pas. Mais la Grande-Bretagne n'entrera pas en guerre. Ils ne mobilisent pas leur armée. Je vous l'avais dit, monsieur Cambon. Une alliance avec eux n'a aucune valeur. Vous êtes seul. Majesté, mon frère est, comme vous le savez, ambassadeur à Londres. Les Britanniques lui ont annoncé qu'ils étaient sur le point de mobiliser. Vous trouverez bien l'armée française et britannique sur le front ouest. Je vous en supplie. Écoutez-moi et prenez le temps de vérifier ces informations. Repoussez la déclaration de guerre de quelques jours. Vous aurez la preuve de ce que j'avance. Vous bluffez. C'est un piège pour gagner du temps. Vous bluffez, Cambon. Je me suis trompé sur vous. Vous êtes comme les autres diplomates. Vous êtes pire. Vous êtes un diplomate français. On ne peut pas s'entendre avec des Français. Cela fait 25 ans que je vous tends la main. 25 ans que je n'ai droit à aucun égard, aucune considération. Même pas le droit à une visite de courtoisie dans votre pays. Et vous voudriez que l'Allemagne se laisse marcher dessus indéfiniment. Terminé. Monsieur Cambon, cette fois-ci, c'est vous qui reculerez. Mais je vous jure que c'est vrai, par tout ce que j'ai de plus précieux. C'est trop tard. De toute façon, à l'heure qu'il est, nous avons déjà déclaré la guerre à la Russie. L'annonce a été faite au Bundestag par le chancelier. Le Kaiser dit vrai. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le 3 à la France. Le 4, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et cette dernière déclenche les hostilités en franchissant les frontières belges et luxembourgeoises dans la même journée. Cette réaction en chaîne marque le début de la Première Guerre mondiale. Jules Cambon, très affecté par l'échec de sa tentative de médiation, se résout à quitter Berlin. Nous avons attendu la soirée du 4 août pour nous rendre discrètement à la gare de Leerte vers 22h. Sans escorte, le personnel de l'ambassade et moi-même avons dû nous cacher sous des couvertures pour éviter d'être pris à partie dans le train. Nous avons quitté l'Allemagne en passant par le Danemark dans des conditions rocambolesques. La princesse Radziwill, elle, a choisi de rester. Sa belle famille prussienne garantit sa sécurité. Son cœur doit saigner autant que le mien. Ce fut un déchirement de quitter ce pays que j'ai appris à aimer durant ces 7 années. J'ai le sentiment d'un gâchis immense. 10 000 hommes tombent tous les jours. Entre septembre et octobre, 200 000 Allemands sont morts. C'est un massacre. Il est temps que tout cela s'arrête. Nous sommes le 9 octobre 1914 et cette folie n'a que trop duré. L'ambassadeur Cambon et l'imprévisible Kaiser Guillaume II de Vincent Hazard avec Jules Cambon, Gilles Privat, le Kaiser Guillaume II, Julian Egerix, Marie de Castellane Radziwill, Evelyne Guimara, le baron de Berkheim, Pierre-Alain Leleu, bruitage Bertrand Amiel, équipe technique Julien Douminc et Kevin Delcourt, assistant à la réalisation François Mazer, réalisation Cédric Ossire. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. On continue dans quelques minutes de parler du Kaiser Guillaume II avec mon invité, l'historien Johann Chapoutot. better to illuminate than merely to shine. You say this all the time, and you're right. Jack White, Shedding My Velvet sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Rémi Sistiaga. Johann Chapoutot, même si cette histoire a des côtés comiques, le sourire bien sûr est un peu grinçant puisque la fin de l'histoire, c'est la guerre qui commence, qui fera des millions de morts, on le sait. En août 14, Guillaume II avait lancé à ses soldats qui partaient au front « Vous serez de retour avant que les feuilles ne tombent des arbres » et bien sûr, ce n'est pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'on peut dire que Guillaume II est responsable ou un des responsables de la guerre, de la Première Guerre mondiale ? Alors c'est une des questions qui, en histoire et en histoire contemporaine, ont fait couler le plus d'encre. À vrai dire, dès le début de la guerre, puisque dès le début de la guerre, les diplomates et les historiens du contemporain fourbissent leurs armes et leurs arguments, en donnant naissance d'ailleurs à des collections d'archives pour montrer le bon droit de l'un ou de l'autre des pays. Et cette question, elle a été juridiquement tranchée. Il y a une sorte de vérité juridique ou judiciaire avec le traité de Versailles. 1919. Les articles 230 et 231 du traité posent la responsabilité indubitable de l'Allemagne dans le. De l'Allemagne, mais est-ce que c'est Guillaume II aussi, personnellement, puisqu'il est le chef des armées? Alors, à vrai dire, c'est ni l'Allemagne ni Guillaume II. On avait besoin de poser cela à la sortie de la guerre pour plein de raisons. Mais les études des historiens, tout au long du XXe siècle, ont montré que la réalité était singulièrement plus complexe. Bien sûr. En l'occurrence, le conflit est parti des Balkans. Il est parti des rivalités dans la région balkanique entre l'Autriche-Hongrie, allié du Reich, et la Serbie. Et c'est à partir de là que le fameux jeu de domino des alliances s'est étendu à la Russie à l'est, à l'Allemagne au nord, et à la France et à l'Angleterre à l'ouest. Ce qui s'est produit à l'été 1914, c'est que l'Autriche, qui est moteur dans cette histoire-là, et qui veut littéralement briser les reins de la Serbie, dont représentants terroristes viennent d'assassiner François Ferdinand. Eh bien, l'Autriche demande une réassurance à l'Allemagne, qui est un allié. Et cette discussion-là, entre le ministère autrichien des Affaires étrangères et le ministère allemand, se déroule le 6 juin 1914 et aboutit à ce qu'on a appelé dans l'historiographie le chèque en blanc. Le chèque en blanc, c'est un télégramme de l'ambassadeur à Berlin qui télégraphie à Vienne que l'Allemagne suivra, quoi que l'Autriche fasse. Et ça, c'est Guillaume II qui l'a dit lui-même. Guillaume II qui a une conception très immature des relations internationales, complètement faussée, une conception, là encore, darwinienne, raciste, en termes de race. Pour lui, il y a plusieurs blocs. Il y a les Slaves à l'est, il y a les Germains au centre, il y a les Gaulois, l'ouest. Et il parle vraiment dans ces catégories-là, dans une idée raciste continuiste, si vous voulez, qui estime qu'il y a des essences raciales comme cela qui, depuis des millénaires, s'affrontent et selon une réalité qui ne bouge jamais. Et ce chèque en blanc donné à l'Autriche aboutit au raidissement de la position autrichienne vis-à-vis de la Serbie, au déclenchement donc de la guerre. Et alors là, c'est la catastrophe, parce que la Serbie est alliée de la Russie, donc qui intervient, et ça suscite donc l'intervention en cascade des autres belligérants. Et à la fin juillet 1914, quand Guillaume II constate la catastrophe, c'est-à-dire l'emballement de la machine des alliances, il dit et il répète « Je n'ai pas voulu cela ». Alors qu'il a tout fait par... Il a tout fait, mais il ne l'a pas voulu, mais il l'a quand même fait. Et disons que par, encore une fois, son immaturité, son incompétence, ses rodomontades, il a contribué à cette catastrophe, tout en s'en repentant, et il avait raison de s'en repentir, puisque d'une part, il y a eu ce massacre généralisé que vous évoquiez, la Première Guerre mondiale, c'est quand même 20 millions de morts en totalité, quand on compte les civils, et par ailleurs, ça lui a coûté tout simplement son trône et son empire. Donc en novembre 1918, Guillaume II est contraint d'abdiquer, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, il est contraint d'abdiquer, il ne le veut pas. C'est quelqu'un qui reste dans l'idée qu'il est un monarque de droit divin, qu'il est le père de ses sujets et qu'il est là pour l'éternité. Il faut dire que Guillaume II, au fond, dès l'automne 1914, à partir du moment où les militaires prennent en main la conduite des opérations, Guillaume II devient quantité quasiment négligeable dans l'appareil du pouvoir allemand. Il se met en place, alors définitivement à partir de 1916, qu'on appelle une dictature militaire. Hein, c'est l'état-major général, Hindenburg et Ludendorff, qui contrôlent tous les leviers économiques, diplomatiques, administratifs, militaires de l'appareil allemand. Guillaume II, lui, il est exhibé un petit peu pour jouer les utilités, distribuer des médailles, faire deux ou trois discours, mais sans plus. C'est quelqu'un qui est déjà dans les faits complètement minorisé dans l'appareil de pouvoir. Et c'est quelqu'un dont le pouvoir est débranché par les militaires en novembre 1918 parce que les États-Unis d'Amérique exigent le départ de Guillaume II avant toute négociation de paix avec le Reich allemand. Après son abdication, que va devenir Guillaume II brièvement ? Alors Guillaume II, c'est quelqu'un qui, selon une tradition bien établie dans les têtes couronnées européennes, prend la fuite. Il ne prend pas le chemin de l'Angleterre, contrairement au roi français. Lui, il prend le chemin de la Hollande, des Pays-Bas, et il va s'établir à Doorn, en Hollande, où il va vivre 23 ans, puisqu'il meurt en 1941. Il aura eu cette joie de voir la victoire des armes allemandes en 1940. Mmh. Il va d'ailleurs faire l'objet d'honneurs militaires tout à fait officiels lors de son décès, en 1941, de la part des nazis. Et c'est quelqu'un qui a vécu tout le reste de sa vie dans l'idée que il avait fait tout ce qu'il y avait de mieux à faire sous le regard de Dieu pour son pays, pour sa patrie, qu'il était victime d'un complot juif, figurez-vous, puisque c'est un antisémite convaincu en outre d'être un raciste patenté. Et c'est quelqu'un qui est au fond absolument inamendable, hein, qui n'a fait aucun retour critique sur lui-même, il en est incapable. Et il y a quelqu'un qu'on oublie, Johan Chapoutot, c'est Jules Cambon, le pauvre Jules Cambon qui est obligé de partir en août 14 de Berlin en catimini pour fuir l'Allemagne. Alors ça c'est le sort des diplomates lorsqu'il y a une entrée en guerre, hein. Ils sont généralement assez peu bienvenus dans les pays belligérants. Mais ce qui est intéressant avec Jules Cambon, c'est que c'était un très grand ambassadeur, hein. On voit sa finesse, hein, dans la fiction mm-hmm. qu'on vient d'entendre. Et c'est le frère également d'un très grand ambassadeur, quasiment inamovible ambassadeur en Grande-Bretagne. Paul Cambon a été 22 ans ambassadeur à Londres. Et les frères Cambon sont tout à fait représentatifs d'une élite républicaine qui est apparue avec la Troisième République, qui n'aurait pas fait carrière sous le Second Empire, et qui ont été des grands serviteurs de l'État. Lui, comme son frère, ont été successivement préfets, gouverneurs coloniaux et ambassadeurs. Ils ont revêtu un petit peu toutes ces fonctions de commandement et de responsabilité de la jeune République. Et ils sont issus de cette bourgeoisie des talents, cette bourgeoisie des capacités qui a trouvé avec la République le régime qui convenait à la fois à leur sociologie, mais également à leurs exigences intellectuelles et morales. Merci beaucoup, Johan Chapoutot, de nous avoir rappelé d'abord l'histoire de Guillaume II, ce personnage finalement assez méconnu, et puis celle, bien sûr, de Jules Cambon. En de vous, Johan Chapoutot, on peut lire « L'histoire de l'Allemagne, de 1806 à nos jours », édité au PUF, dans la collection « Que sais-je ?» et plus récemment, « Le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps », toujours au PUF. C'est la fin pour ce soir d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, bien sûr, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. L'été est arrivé, Autant en emporte l'histoire en profite pour se mettre un peu au vert et nous nous retrouverons à la rentrée dès le 4 septembre. Mais je serai présente à l'antenne cet été avec la saison 3 de ma série Espions, une histoire vraie, de nouveaux portraits d'espions, d'espionnes français, américains, anglais, israéliens, russes, de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. En passant par la guerre froide, je vous emmènerai dans la Chine de Mao, au Vietnam, en Iran, en Syrie et même en Mandchourie. Espion, une histoire vraie à partir du 9 juillet. Ce sera tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Très bel été à tous.